Djibril, tu viens avec moi s'il te plaît, tu prends tes affaires. C'est toujours le même. Electric. J'allume le bigot, mais personne ne répond. Chargez le peupon, je marche entre les tombes. Pour remplir le frigo, faut pas qu'on fasse des cons. Je vois plus de zéro quand c'est l'heure des comptes. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. J'essaye de changer, mais c'est toujours la même. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. Maman, j'étais obligé. Tout niquer dans la street, même si ça plaît pas. Et la banalisée. Et t'es prête à tout pour que j'finisse au star. Sans ma 5 chiffres dans le cœur, ça. Je calcule même plus ses clochards. J'ai des frérots qui portent en gros face. A plus de 200, on trace. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Faut mailler. Si j'arrive à faire partir le 500 meuges, ça va aller. J'allume le bigot, mais personne ne répond. Chargez le peupon, je marche entre les tombes. Pour remplir le frigo, faut pas qu'on fasse des cons. Je vois plus de zéro quand c'est l'heure des comptes. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. J'essaye de changer, mais c'est toujours la même. J'suis dans la merde, j'suis dans la merde. Papa, j'me sentais obligé d'arrêter l'école pour aller big grave. J'voulais aller chez Yamaha et ressortir avec la dernière bécane. Quand je dois faire les comptes, quand je dois faire les comptes, quand je dois faire les comptes, tout peut mal finir, faut pas qu'on fasse les comptes, faut pas qu'on fasse les comptes, faut pas qu'on fasse les comptes.